Benvinguts i benvingudes. Una vegada més ens en retrobem amb aquest al vostre espai. És un plaer, com sempre, estar al vostre costat i això és Olala Music. Programa que us porta Rafael Corbí. Programa dedicat a la música, sigui de quina sigui la seva procedència, arreu del món o el seu estil, en francès. Com sempre, amb els nostres col·laboradors habituals, que avui seran l'Àngel Rodríguez, en Hamid i en Cyril Torres. Els tres ens portaran, juntament a la música que us trigui jo avui de diferents àlbums, les protagonistes de Olala Music. Comencem amb un disc en concert que ens portarà durant els primers aproximadament 15 minuts del nostre programa, la música de Florent Pagny. Bercer un enfant, chanter, pour pouvoir dire je t'aime, mais chanter tout le temps, pour implorer le ciel ensemble, en une seule et même église, de trouver l'essentiel des peines, que les silences se brisent, en haut des barricades, les pieds et poings liés. Couvrant les fusillades, chanter sans s'arrêter et faire s'unir nos voix autour du vin qui enivre. Chanter quelqu'un qui s'en va pour ne pas cesser de vivre. Quelqu'un qui s'en va pour ne pas cesser de vivre. Chanter celui qui vient au monde l'aimer, ne lui apprendre que l'amour en informant qu'ils m'aimeront. Chanter encore et toujours, un nouveau jour vient d'éclore, pouvoir encore s'en émerveiller. Chanter malgré tout, chanter quelqu'un qui s'en va pour ne pas cesser de vivre. Un personatge, Florent Ragni, nascut el 6 de novembre del 1961, aquest cantautor fill d'Odili de Champagne. Florent es va veure ràpidament la seva vocació per la música. Va anar sovint al conservatori de Levallois-Perret. Tot i això, va començar la seva carrera artística com a actor, apareixent a l'inspector Lefebvre, a Las Das, i va escriure la seva primera cançó l'any 1987, no importa qui. I l'èxit d'aquesta cançó va ser abrumador. Escoltem alguns dels seus temes en directe amb un concert realitzat l'any 1998. Tant que je l'ai. lâche un peu. l'última de les cançons que escoltarem del nostre protagonista en el començament d'aquest programa de La La Music, de Florent Pagny, serà una de les també bones cançons d'aquest àlbum en directe del 1998. Un personatge que, com dic, va tenir aquest començament important d'èxit a finals dels 80, tot i que el seu primer àlbum, aquell Merci, no se va gaire ben considerat. El 1990 va tenir gaire èxit i tampoc el segon, però que després va tornar a l'èxit de la mà de Jean-Jacques Goldman, en qui va escriure tres cançons amb el sobrenom de Sam Brzeski. Allò va començar realment la seva bona i excepcional carrera com a intèrpret d'un personatge que avui hem escoltat al començar, Oh La La Music. Si tu veux baisser même une semaine, si tu veux m'essayer, c'est pas un problème. Si tu veux m'essayer, ma tête, mes veines, mon corps et mes idées, mes paris, mes peines, je me ferai sans jurer toujours, juste pour écouter, sans parler d'amour. Si tu veux baisser mes mots, mes caresses, me prendre ou me jeter, sans que l'on se blesse. Pour agir. Bé, el concert, la música en directe d'en Florent ens ha acompanyat amb els primers minuts de l'Hola Music amb aquest programa nostre, el número 19 de la nostra seqüència d'espais dedicats a la música en francès. Ara és el torn del meu bon amic Àngel Rodríguez, que avui ens portarà una altra cançó. Molt benvingut, Àngel. Què tal, Rafael? Verónica Sanson va néixer el 24 d'abril de 1948 a Bologna, a França. Des de petita que va aprendre a tocar el piano. Després d'estar en diferents grups, el seu primer disc de llarga durada apareix a principis de la dècada dels 70. Avui us proposo d'una cançó que a mi personalment m'agrada molt, Indestructible. Va tenir un gran ressò l'any 1998. Amb vosaltres, Verónica Sanson. De nos souffrances, on devine derrière le mur la beauté d'un ciel immense, le pardon d'après l'offense, et la vie paraît moins dure. Ah, on est indestructible. Dans les rues de la douleur, on continue notre errance entre le bien et le mal, entre l'eau pure et l'eau sale, mais toujours avec élégance. Doncs partirem cap a l'any 2003 per escoltar una veu extraordinària i preciosa. És la de Carla Bruni. Elle passe en un instant comme freinent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, ne dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Pas grand chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Va ser el primer senzill, un àlbum de debut d'aquesta excepcional intèrpret, d'aquesta italo-francesa, cantant, model i la primera mestressa de França, la Carla Bruni, realitzat el 2003 dins el gènere de la chanson, però també de la música folk, i produïda per la mateixa Carla, en Louis Bertignac. És un àlbum del qual va arribar a les primeres posicions de països tan diferents com França, òbviament, però Alemanya, Suïssa, Itàlia, Portugal o Xile, entre d'altres, amb diverses cançons que van aparèixer en el film d'en Hans Canossa del 2005, el film americà Conversations with Other Women, i també amb cançons que van pertanyer a diferents comercials de Nadal, com el de H&M, la cançó Le Plus Beau du Quartier, que ens hi portava, i també altres cançons que van ser destacades. Com a senzills, aquest, que el Com Van Dir, va ser el primer senzill, i Tout Le Monde en va ser el segon que es va extreure del disc. Est une drôle de personne et tout le monde a la main mêlée. Tout le monde a l'enfance qui ronronne au fond d'une poche oubliée. Tout le monde a des restes de rêves et des coins de vie dévastés. Tout le monde a cherché quelque chose un jour, mais tout le monde ne l'a pas trouvé. Mais tout le monde ne l'a pas trouvé. Il faudrait que tout le monde réclame auprès des autorités une loi contre tout. Notre solitude, que personne ne soit oublié, et que personne ne soit oublié. Tout le monde a une seule vie qui passe, mais tout le monde ne s'en souvient pas. J'en vois qui la plie, même qui la casse, et j'en vois qui ne voit même pas. Et j'en vois qui la voit même pas. Il faudrait que tout le monde réclame auprès des autorités une loi contre toute notre indifférence, que personne ne soit oublié et que personne ne soit oublié. Tout le monde est une drôle de personne et tout le monde a une âme emmêlée, tout le monde a de l'enfance qui résonne au fond d'une heure oubliée, au fond d'une heure. Des d'aquest 2003 i recordant la música de Carla Bruni, i ara mateix amb una altra, amb una tercera i darrera cançó d'aquest disc, una cançó que va dedicar i que va portar amb aquest àlbum a l'aleshores el seu company, era el professor de filosofia Rafael Enchoven, amb el qual tenia un fill, l'Aurelien Enchoven, el 2001. Rafael es diu, i ja que hi soc, doncs mira, m'ha fet gràcia que el meu nom sigui amb una cançó. Quatre consonnes et trois voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à mon oreille et chaque lettre m'émerveille. C'est le tréma qui m'ensorcelle dans le prénom de Raphaël. Comme il se mêle au A ou E, comme il les entremêle au L. Raphaël a l'air d'un ange, mais c'est un diable de l'amour. Du bout des hanches et de son regard de velours, quand il se penche, quand il se penche, mes nuits sont blanches et pour toujours. Et j'aime les notes au coup de miel dans le prénom de Raphaël. Je les murmure à mon réveil entre les plumes du sommeil. Et pour que la journée soit belle, je me parfume à Raphaël. Pour de chagrin peintre éternel, archange étrange d'un autre ciel. Pas de délices, pas d'étincelles, pas de malice en Raphaël. Les jours sans lui deviennent ennui, et mes nuits s'ennuient de plus belle. Pas d'inquiétude, pas de prélude, pas de promesse à l'éternel. Juste le monde dans notre lit, juste nos vies en arc-en-ciel. Raphaël a l'air d'un sage et ses paroles sont de velours. De sa voix grave et de son regard sans détour. Quand il raconte, quand il invente, je peux l'écouter nuit et jour. Consonnes et trois voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à son oreille, ça le fait rire comme un soleil. Estàs escoltant Oh La La Music. Una setmana més seguim a través de l'Ala Music, escoltant la música que us han portat fins al moment, alguna de les col·laboracions, però ara partim cap a la que ens sol portar, cap a la meitat del nostre programa, habitualment sempre en Ciril Torres. 19 sols, 19 cançons ens ha portat, comptant la d'avui, i propostes que són absolutament magnífiques. La prova la tindreu d'aquí uns moments amb una peça molt especial. Ciril, molt benvingut. Gràcies, encantat d'estar aquí entre vosaltres, novament, una setmana més, per 19a vegada, com deies. Jo, la veritat, és que no perdo la compte, i la perdo alegrement perquè estic encantat, i música, com que seguim tenint música, excuses per venir, doncs en tindrem permanentment. Ens anem a una col·laboració amb el Fabià, que és qui les darreres setmanes doncs li hem donat també aquesta possibilitat de compartir la responsabilitat del tema que posem setmanalment. Ens anem a sentir una banda doncs americana de pop rock, vull dir que és tot el que jo doncs desconec absolutament i que ell en aquest cas em fa descobrir. The Fugees, que segurament doncs molt de vosaltres coneixeu i que han estat doncs a les llistes amb moltíssims temes. The Fugees, com us deia, tenen un membre que és Wycliffe, que és de fet, tot i ser americà, amb una formació americana, és d'Haití. Haití, per qui no ho sàpiga, doncs, té orígens francesos i es parla doncs, encara el creol, que és aquest idioma d'aquesta barreja de l'idioma dels esclaus amb el francès d'època del segle XVII i XVIII, i amb paraules de castellà i amb paraules d'americà, i això fa que hi hagi una tradició francòfona doncs segurament que altres països o illes del Carib doncs no tenen els mateixos orígens. Wycliffe dels Fugees amb un tema doncs que jo crec que no és de presentació, perquè a més se n'han fet moltes versions. La seva és exquisita, ho he de dir, no la coneixia, i em sembla doncs que és interessant i és un bon motiu per compartir-la amb vosaltres. El tema és de Jacques Brel, o en tot cas és un tema ja universal i que pertany a tothom, i és Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Fermé. Oublier le temps, les malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi. Le cœur du bonheur, ne me quitte pas, don't leave me. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Listen to my guitar. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera roi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, don't leave me. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Listen to my guitar. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces âmes-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ces rois morts de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, don't leave me. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Listen to my guitar. Yeah. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est paraît-il rebrûlé donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'en ciel flamboie le rouge et le noir, ne sait possible pas. Ne me quitte pas, don't leave me. Ne me quitte pas. If you ever left me, my days would go dark. CPR, eclipse of the heart. From the start, we made an oath, we'll never depart. Till our flesh turned to dirt and we return to the gods. Let's toast to our future. Ne me quitte pas, baby, I won't ever leave ya. So make love to your night. Cello in your ear, girl, trying to set the mood right. Laisse-moi devenir l'ombre de ton nom. L'ombre de ta main. L'ombre de ton chien. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Escoltant la música dels nostres convidats i la música dels nostres protagonistes a Hola la Music. Protagonista amb el nostre espai i també en el dia d'avui, la tercera de les que tenim, és aquesta intèrpret, nascuda com a Fabienne de Mal, 15 de febrer del 1968, des de Bèlgica, Axel Red, aquest era el seu nom artístic, i ens va portar diversos senzills als anys 80 i el seu primer àlbum, un àlbum anomenat Sans Plus Attendre, que va tenir unes vendes de gairebé 400.000 còpies a França, on va ser un número 2. Això era l'any 1993. Avui repassarem els tres millors senzills d'aquest àlbum. Hem començat amb aquest número 2, aquesta cançó anomenada Sensualité, i aquesta El Danseur. Allons à la nuit, elle revit son amour avec lui. Il n'aurait jamais pu croire, il était son dernier espoir. Elle danse seule, elle parla avec son ombre. Elle danse seule, elle entend sa voix répondre. Et elle s'endort comme ça, contre le sol. Reviendra, qui a fort à revue. Elle est prête déjà pour suivre. Mais à ton regard la boue de cette route, ses yeux sont fatigués par le doux. Esteu escoltant Ulala Music. Seguim a través de Ulala Music i ens arriba la col·laboració especial, com sempre, amb la música d'arreu del món, en Francesc, que ens porta el nostre magnífic col·laborador habitual, en Hamid, en quoi on fois, je présente Hamid. Aux États-Unis, on y va avec le grand Clifton Chionier, non killer. Oh, there's a knock Una altra excel·lent cançó que ens ha servit en Hamid. Mon Killer, Clinton Senior. Gràcies, Hamid. Gràcies, Àngel Rodríguez. Gràcies també a en Cyril Torres, els nostres col·laboradors amb el programa d'avui, de Ola La Music. Arribem al final i com que estàvem escoltant a l'Axel Red amb aquest disc, una cantant que, tot i que és d'origen flamenc, la majoria de les seves cançons les ha cantat en francès, però també en anglès, i també en castellà molt conegut a França i a Bèlgica. Un estil musical que ens ha acompanyat sempre, molt a prop del jazz i les balades per a piano, i amb una gran influència de la música, aleshores, capdalt de la formació d'ABBA. Escoltem des d'aquest seu primer àlbum, per acomiadar-nos, la cançó Gitanteng. Serà un plaer tornar-vos a retrobar ben aviat amb la música en francès d'Ola La Music. Una abraçada de Rafael Corbí. A reveure. Ces gens qui passent autour de moi dans la ville, ces gens qui courent et qui marchent pas, où vont-ils? Est-ce le vent qui les pousse vers d'invisibles rêves? Que voient-ils au bout de leur course quand le brouillard? Je t'attends, je t'attends, je t'attends. Tous ces gens qui se serrent dans leurs bras, sur leur cœur, qui ne savent plus ce que c'est d'avoir froid, d'avoir peur. Est-ce la terre qui retient leurs pas, ou le ciel qui est trop lourd? Marche l'écart du hasard, que savent-ils de l'amour? Sans foi, sans toi, je cherche ma route. Sans foi, ni loi, seul avec mes doutes. Je t'attends, je t'attends, je t'attends. Qui passe autour de moi dans la vie, ces gens qui courent et qui marchent pas, où vont-ils? Est-ce le vent qui les pousse vers d'invisibles rêves? Que voient-ils au bout de leur course quand le brouillard? Je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends.